jeune et beau. Elle le voit à ses genoux, conquis le corps chaud. Elle lui sourit, fait deviner tout ce qu'il pourrait faire s'il veut bien venir dans son lit. Elle prend des armes juste pour s'amuser. Elle ne veut surtout pas s'accrocher. N'est pas déçu, c'est une bonne amante. Depuis qu'il l'a eue, elle est douce et prévenante. Et il en profite, il se prend du bon temps. Car il le sait bien, le temps de la passion passe vite. Il prend des femmes juste pour s'amuser. Il ne veut surtout pas s'accrocher. Il ne prend que des femmes mariées, celles que des hommes ont choisi de garder. Du temps a passé, du temps a passé, cela a assez duré, cela a assez duré. Le charme est usé, et pour eux il est temps de changer. Elle va lui dire que c'est terminé, qu'est venu le temps de se quitter, qui ne peut encore plus l'aimer, mais qu'ils ne vont jamais s'oublier. Un autre à son goût, aussi jeune et beau, elle le voit à ses genoux. Conquis le corps chaud, il lui sourit, il fait deviner tout ce qu'il pourrait faire si elle veut venir dans son lit. Il prête des autres pour s'amuser. Il ne veut surtout pas s'accrocher. Il ne prête que des autres mariés. Ceux qui par choix ont été gardés.